Le nom du Seigneur, c'est Raymond Berger, comme dans la chanson « Le Seigneur Raymond Berger, Alléluia, le Seigneur Raymond Berger, Alléluia. » Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Si t'es pas content, ben fais toi et vomir. Yeah! Bravo! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Silence, s'il vous plaît! Nous sommes tous ici réunis pour honorer un génie. Un être humain dévoué à l'amélioration de ses pairs, autant qu'un philanthrope adulé. Son seul passage laisse les petites culottes moites et la mémoire de son sacrifice pousse les narines les plus exposées à s'éclipser. Après des délibérations aussi rapides que fictives, nous, de l'Association mondiale des prix Nobel, avons décidé de créer une nouvelle catégorie qui incarne les découvertes de ce héros et symbolise la jonction entre la physique et la chimie. L'écoulement abondant de matière spéciale. Il va sans dire qu'il aurait été inhumain de négliger de récompenser cet être humain doté d'un tel don de soi. Vous joindrez votre joie à la mienne en entendant que le professeur Sommerstein, spécialiste international en écoulement abondant de matière spéciale, recevra le premier prix Nobel d'écoulement de matière spéciale. Ainsi, l'histoire se rappellera le prolifique sauveur de notre race, un exemple de dévotion et d'évolution, de persévérance et d'abnégation, un modèle pour la jeunesse. Une dernière fois pour le prof Sommerstein et ses importantes découvertes en matière d'écoulement abondant de matière spéciale, je dis merci de la part de tous les habitants de la Terre. Merci. Longue vie à Sommerstein, premier spécialiste mondial en écoulement abondant de matière spéciale. quelle intro! On a eu le prof Sommerstein, une cérémonie pleine d'émotions. On est à 70%. On a Luc Saint-Pierre en studio. Bonjour, Luc Saint-Pierre. Salut. Luc Saint-Pierre, jeune cinéaste de la relève, québécois de Laval, j'ai entendu dire. Je vis à Montréal maintenant. Ah, c'était pas l'entraîneur de patin artistique renommé? Non, ça c'est seulement si tu googles Luc Saint-Pierre que tu vas trouver un entraîneur de patin artistique, sinon... De renommé. Ben, on a un... Est-ce qu'il vient de Laval lui aussi? Ou... Ah, non, ça c'est pas dit. Non, parce qu'on s'est dit que Luc Saint-Pierre qui fait du cinéma court-métrage... serait beaucoup plus intéressant. C'est ça. Peut-être que c'est intéressant de parler avec un professeur, un entraîneur de patinage artistique. N'enlevons rien à personne. Mais pour l'instant, il est pas là. Pour l'instant, on a un cinéaste de la relève qui fait des courts-métrages puis qui est fait au complet d'un bout à l'autre. Sinon, ben, on a le Dirt Bike Kid, en français la moto magique, une très belle découverte qui a été votée au douteux.org. Israël, toi? Moi, aujourd'hui, j'ai été sur le MySpace de Trompe 12, tu sais, un des deux gars de Trunk 25. L'excellent groupe de très bon goût. Et je vais tout à l'heure vous lire les 10 façons de reconnaître un vrai shit lover. Et voilà, bien sûr, une émission est codée pour les malentendants. sinon, ben toi Bruno, ça va être des nouvelles comme d'habitude. Comme d'habitude. Fait qu'on va sauter à pieds joints, moi je pense. Quel âge, Luc Saint-Pierre? 23 ans. Ça fait combien de temps que tu fais du film, toi? Ça fait facilement 5 ans que j'ai commencé à l'école là-dedans, au cégep, à Montmorency, à Laval, justement. OK. Et puis, après ça, j'ai suivi le cours, là. J'ai fait l'université là-dedans, Concordia, et puis toujours des petits courts-métrages comme ça, on the side, là. Est-ce que tu considères que t'as comme plus appris sur ton bord ou tes cours, ils t'ont vraiment aidé là-dedans? Je pense dans mon cheminement que j'ai eu, moi, j'ai pas mal appris par moi-même. J'étais assez autodidacte là-dedans. Encore une fois, on pense que l'école de la rue est meilleure que l'école. C'est dans l'affaire qui fait que t'en apprends, là, je pense. Et puis peut-être que l'école peut te donner un cadre puis des outils pour te forcer à en faire, mais toi, t'étais vraiment diligent, là. Sur ton bord, t'as fait à peu près quoi, 5-6 films en 3 ans? C'est des courts-métrages. C'est pas très long, ce que je fais. Moi, je fais souvent, ça varie entre 2 à 3 minutes par film, là, mais... Ouais, j'en ai fait quelques-uns, là. Aïe, moi, j'ai vu ça, là. On était à Place à Côté pour le festival du 205. C'est quoi, ça fait 2 dimanches, déjà? Puis, c'est ça, lui, il avait un film en projection, même plusieurs, vers la fin, là. C'était un bloc spécial, Luc Saint-Pierre. Il touche à toutes les techniques, c'est ça? C'est quoi tu fais? Est-ce que c'est surtout avec un ordinateur ou tu travailles la pellicule elle-même? Ou... Moi, je préfère travailler la pellicule. Je travaille pas beaucoup avec les ordinateurs. Je m'en sers à certaines étapes de développement pour les films, aller chercher des éléments graphiques, ces choses-là, mais... Je préfère personnellement travailler en film là, du 16 mm principalement. Là. Puis est-ce que t'as des héros dans le domaine du court-métrage? Parce que c'est assez restreint quand même. Ouais. C'est dur de se diffuser en court-métrage. Ouais, c'est sûr que j'ai des influences là, des choses que j'ai vues auparavant, comme du Ribzinski, Norman McLaren aussi, qui ont été quand même assez pionniers là, dans. Le court-métrage d'animation, l'expérimentation, toutes ces choses-là. Ouais. T'anticipes-tu te rendre au long-métrage un jour, là? Tu fais tout ça en attendant, genre? Moi, je pense pas aller dans le côté réalisation de long-métrage, autant en fiction qu'en documentaire. Je suis plus porté à réaliser du court-métrage expérimental. Ben, c'est très intéressant, ça. Moi, puis Tobi, on aime beaucoup ça, d'ailleurs, en écouter, d'ailleurs, souvent. Oh, oui, c'est sûr, les courts-métrages, c'est pas mal une table qui est très négligée, parce que souvent, on se ramasse à devoir distribuer son produit au travers de la publicité, puis ça, c'est pas tous les créateurs qui veulent comme, tu sais, mettre un Nike, le petit crochet à la fin de sa pub, oui. Ça prostitue un petit peu, je sais pas. Mais toi, tu te places où au travers de ça? Si Coke t'arriverait avec un chèque là, pour lui faire une pub, là? Ben, premièrement, je serais bien étonné que Coke m'arrive avec un chèque avec ce que j'ai fait à date, là, mais... Ben, ça dépend du besoin que t'as au moment aussi, j'imagine. Faut bien travailler quelque part, mais moi, je gagne ma vie autrement en technicien dans le milieu de la télé, du cinéma, puis mes créations, tout ça, c'est à part, c'est... C'est comme un passe-temps, c'est comme du monde qui ont des bands ou... Ouais, c'est un peu comme ça que je vois ça aussi. C'est encore plus intéressant parce que tu y mets tout ton cœur dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que t'es du genre difficile? Mettons, comment de temps tu mets pour finir un film de 3 minutes? Ben moi je pense que je suis pas tellement difficile, je suis pas trop regardant sur le que tout soit parfait, là, la qualité, que tout soit bien léché. Souvent vu que j'expérimente bien les techniques, tout ça, quand je fais des films, c'est pour essayer quelque chose de nouveau. Fait que souvent, c'est, ça revient à plus être des tests, puis je vais faire un petit montage avec ça. À la fin, ça va donner un film un peu voici ce que j'ai essayé. Là. Ah, ben ah, voilà. Okay, oui. Ouais, ben ça, c'est le fun aussi parce que tu te donnes le droit à l'erreur dans ton cheminement. Fait ouais. que tu arrives souvent avec quelque chose d'autre que tu pensais à créer au début. Fait que ah, c'est ça. De quoi d'encore plus peu, plus intime. Est-ce que tu joues à Magic? Non, je joue pas à Magic. Il joue pas à Magic, Colin. J'étais sûr, moi, qu'on avait un bon candidat. Bon, ben d'abord, on va arrêter ce bloc d'entrevue-là. Moi, je boude. Il joue pas à Magic. Ouais. Veux-tu nous faire une nouvelle, toi? OK, je vais faire une nouvelle. Pendant que, en background, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai amené la trame sonore de... Mario, quoi? C'est, non, en fait, c'est Super Smash Bros. Celui qu'il y avait au GameCube. Oui, tout à fait. C'est un montage. Donc, Bruno, nouvelle. Superbe. Alors, Flint, Michigan, le chef de police David R. Dix fait la guerre au crack. Il a annoncé jeudi que les pantalons taille basse révélant une craque de fesses étaient maintenant illégaux. Parce qu'il fait la guerre au crack. Oui, il fait la guerre au crack. Ah, les cracks. Cette façon de s'exprimer va au-delà de la liberté d'expression, a-t-il affirmé. Ça se qualifie de grossière indécence. La loi sera par contre difficile à appliquer puisque si elle cible une trop grande majorité de jeunes hommes noirs, on pourrait la considérer comme discriminatoire, donc anticonstitutionnelle. Oh, ça serait comme, mettons, de dire les foulards, c'est illégaux. Ouais. Porter le voile. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais le foulard dans le sens, tu sais, comme ça, il cible les Québécois, tu sais, puis on a toute frette. Vengeance. Hey, je vais aller mettre une petite toune ici de Didier Super pour prouver à tout le monde qu'on est au courant que ça existe, Didier Super. On est à 70% quand même. On vous revient après, puis. On parle de la moto magique! Ça va être la moto magique, c'est ça qui a été voté. Partez! J'ai écrit cette chanson parce que un jour j'ai rêvé que j'aboyais. Aboyer, ça veut dire parler comme les chiens. Petit caniche, peluche pour vieux. Quand t'aboies, c'est tellement aigu que tout le monde croit que t'es une femelle. Petit caniche, peluche pour vieux. Tellement que t'es con, tu sais même pas que t'es un caniche. Petit caniche, peluche pour vieux. La perruque à ta mémé, c'est tout ce qui reste de ta mère. Petit caniche, peluche pour vieux. Si tu veux pas tomber malade, surtout sors pas sans ton petit manteau. Petit caniche, peluche pour vieux. En fait, quand t'es né, ta mémé, elle aurait voulu un chat. Petit caniche, peluche pour vieux. D'ailleurs, elle sait pas que t'es pas un chat. Faut pas lui dire, elle peut pas saquer les chiens. Petit caniche, peluche pour vieux. C'est parce que mémé, elle t'aime bien qu'un jour, elle va t'empailler. Petit caniche, peluche pour vieux. T'as mal à ton zizi, tellement que t'essayes de niquer tous les meubles. Petit caniche, peluche pour vieux. Si je te chope, je t'entoure de Shatterton pour pas que t'exploses quand je t'encule. Petit caniche, peluche pour vieux. Ça y est. Bonjour, vous êtes à 70%, c'est clair, changez de poste. D'accord, alors on continue en nouvelles. Alors, en Suède, un garçon de 8 ans a déclenché un curieux scandale judiciaire quand il n'a pas invité deux de ses camarades de classe à sa fête. L'école affirme que cet acte viole les droits des enfants. Si des invitations sont faites sur le terrain de l'école, elles doivent être faites sans discrimination. Les invitations ont été confisquées quand le professeur a remarqué que deux des élèves de la classe n'en avaient pas reçu. Le père du garçon croit que les droits de son enfant n'ont pas été respectés. Si l'un des garçons n'avait pas été invité, c'est parce que son fils lui-même n'avait pas été invité à sa fête, et l'autre parce qu'il est en conflit avec. Personne n'a le droit de confisquer la propriété de quelqu'un de telle façon, a-t-il ajouté. C'est équivalent à voler le courrier de quelqu'un. Un verdict devrait être rendu en septembre, à temps pour la rentrée scolaire. Hey, de quoi que c'est que voyons donc de... Hey... m'a passé tout de suite au Dirt Bike Kid, là, parce que c'est quand même pas la pile que tu nous as ramenée, mais elle est belle, là. Le Dirt Bike Kid, c'est l'aventure en français, la moto magique, un film de 1985, puis je me suis même pas bordré à trouver le nom du réalisateur, tellement c'était condensé de contenu comme on l'aime. Donc, le Dirt Bike Kid, c'est fou ce que l'on fait des liens qui ne servent à rien. Quand on archive et étudie le domaine qu'on est en train d'archiver et étudier, nous, ici, à douteux.org. Peter Billingsley, donc le héros du film de ce soir, était déjà parmi nous il y a à peine 14 jours en tant que Neil, sidekick de l'héroïne fabuleuse de Arcade. Ça vous dit quelque chose? C'était plate en crise. Arcade, c'est très très bon. Encore une fois ce soir, tu peux dire adieu à ta réalité. Jack Simmons, c'est un blondinet petit garçon de 10 ans environ qui vit seul avec Janet Simmons, sa mère, célibataire et sans emploi. Ça va mal dans la famille. Ce qui explique un peu pourquoi Jack est un marginal social qui rêve de jours meilleurs. À date, on sent une prémisse de héros assez originale. Pendant que, volume 2, tiens, voilà, on l'a eu. Toute sa vie tourne autour d'un seul thème, le motocross. On ajoutera plus tard le baseball, amenant le total des champs d'intérêt de Jack à 2. Yes! Yes, il va avoir du baseball. Moi, j'aime ça, le baseball. Donc, l'amour de sa mère, une curiosité pour le beau sexe, le respect de la toute simple réalité de sa famille sans emploi, Jack ne ressent rien du tout pour ça. Aussi n'hésite-t-il absolument pas à faire un vrai Jack de lui quand il achète, avec les derniers deniers de la famille, un haricot sous forme de moto. Un haricot magique, c'est la moto magique, tu sais, il s'appelle Jack et tout. Donc, le couple devient triuple chez les Simmons, car la moto s'implique rapidement dans les affaires de famille. Parce que oui, la moto est magique, la moto parle. On va se saucer dans une belle tranche d'extrait pour commencer ça solide. On va rencontrer notre héros, le très désagréable Jack Simmons. Venez les applaudir. Venez vite, venez tous. Je vous attends à Moshe Valley au Parc Enix pour toute une journée d'amusement et de plein air. Sur Jacques, tu veux bien répondre? Je suis en train de faire cuire le bacon. Sérieux, tout le temps. Non, je t'ajoute. Décroche ton téléphone. À Moshe Valley. Mais il mange des chips en avant de la TV, il écoute du motocross. C'est des chips au bacon? Allô? Mademoiselle Clavel, j'attendais impatiemment votre appel. Il va me recevoir. Magnifique. Ne quittez pas. Jack, baisse-moi ce truc et jette un œil au bacon. Excusez-moi, mademoiselle Clavel. Non, mais j'ai fait ce genre d'expérience quand j'étais l'assistante du directeur de la promotion de la société Système. On a organisé la cérémonie d'ouverture de leur bureau. C'est très semblable à ce que votre banque veut faire. Vous ne le regretterez pas. Oh, mademoiselle Clavel, donc, on est au tout début du film et puis ça nous intéresse absolument pas ce que la madame est en train de parler. Enfant turbulent aux préoccupations au singulier, Jack veut, désire et rêve un motocross. Voyons comment va réagir sa mère à son abrutisme qui est elle qui va aller échanger l'argent de l'épicerie contre un motocross de voyons donc de taquet. Montre-moi que tu es toujours vivant. Maman, tu viens de tuer la télé. C'est un meurtre. Tu n'entends pas la sonnerie de la cuisine? Ben oui, il arrêtait pas d'écouter la TV. Je suis vraiment désolée. Un petit problème domestique urgent. Non, non, non, parfait. Je peux être chez vous dans 20 minutes. À tout de suite. On va parler de sens des réalités un petit peu. Je trouvais que c'était important pour bien cibler justement, le personnage. Je pensais justement... Jack, je n'ai pas le temps d'écouter encore un de tes rêves, mon petit. Allez, passe-moi ce torchon et ouvre la porte. C'est-tu un bruit de fond? Ouais, c'est une espèce de détecteur de fumée parce qu'elle a raté le bacon. Si tu le laisses brûler, comment pourras-tu t'en sortir dans la vie? Sur une 80 cm3, une triale, elle me conduira exactement... Si tu laisses brûler le bacon, comment peux-tu t'en sortir dans la vie? Ça, c'est une belle phrase, je pense. Écoute, j'ai finalement une offre de travail, il faut que tu m'aides. Sûr, maman, tu peux compter sur moi? Ben, c'est pas ça. Voilà, c'est notre dernier billet de $50 si j'obtiens pas cette place. Voici la liste des courses. Je pense que tu peux faire les courses et me ramener la monnaie. Pas de problème, man. Tu me connais? Et voilà, Jack s'en va à l'aventure. Oui, je te connais. Guilleret, petit garçon, blondie, nounet, tout plein. On va aller à la 7e minute ici parce que ça continue. Il va aller rencontrer son ami qui est un stéréotype de couleur qui s'intéresse à des affaires qu'il connaît pas. Parce que quand t'as 9 ans, je pense pas que tu peux dire des phrases qu'est-ce comme lui va dire. Je regarde paysage. Ouais, parce que j'aimerais avoir une de ces motos. Qui parle de moto? Regarde-moi ça. C'est prouvé, vieux. Il y a dans ce parc les plus jolies femmes. Ça, c'est moi qui te le dis. Et voilà, donc, on comprend. Puis, c'est ça aussi, vous avez entendu à la fin, je vais la remettre, la petite, le petit dernier mot. Qui parle de moto? Écoutez bien ce que le héros va dire, Jack. C'est prouvé, vieux. Il y a dans ce parc les plus jolis seins. Ça, c'est moi qui te le dis. Il a dit, ouah. Lui, ça l'intéresse pas, les femmes, le héros. Non. C'est ça qui est assez perplexant, parce que le héros, ce qu'il aime, c'est les motos. Puis d'ailleurs, il rencontre un de ses amis avec qui il joue au baseball, on va apprendre plus tard, qui lui a une moto, mais là, il s'entend pas avec sa moto. Attendez-moi, mademoiselle. Fait que là, le sidekick s'en va. Qu'est-ce que je donnerais pour une moto comme ça? Ah, cette moto est particulière. Oh non. C'est la voie de la sagesse qui est d'arriver. Oui, mais ça dépend du conducteur qu'elle devienne particulière. Ce garçon ne le mérite pas. Non. Je vais être obligé de la lui racheter. Et voilà, donc, on comprend un petit peu le nœud. Il y a une espèce de vieux sage qui vient d'arriver. La moto est bénie magique. J'ai un petit dernier extrait ici, ça dure une petite minute. On va comprendre comment la mère Janet Simmons réagit à l'introduction de la moto magique dans son cosme familial. Max! Max, ah non, c'est pas vrai, là, il l'achète. Cette moto a failli me tuer. Arrête, Max, arrête! Oh, ne me dis pas ce que je dois faire. C'est ma moto. Mais Max, il y a ce vieux mec qui est prêt à te la racheter. Ah ouais? Où? Il est parti là-bas. Max, il était juste là-bas, je te le jure. Oh, je te crois. Il serait prêt à acheter cette saloperie. Je l'achète. Avec quoi? T'as jamais de pognon, toi. Ah ouais, Max? Comment t'appelles ça? Tadam! Oh, tu crois que je vais filer ma super trial pour la somme dérisoire de $50? Ah, j'ai cru que t'en avais marre. Mais tu plaisantes, non? Celle-ci est la meilleure moto que j'ai jamais conduite. Tu m'as vu sauter ses bosses? Tu m'as vu? Attends un moment. Si tu lui files le casque et le sac, je te donne $50 plus son vélo tout terrain. Affaire faite. Et voilà. Ouais, attendez une minute. Donc, notre héros devient propriétaire de la moto magique parce que lui, il prétend la mériter. C'est fabuleux. On est en train d'avancer à pas de géant dans la diégétique. Tu peux conduire une moto? Oh, ben oui, c'est sûr. Ben, dans cet univers-là, oui, t'as le droit de faire ça parce que c'est un univers spécial rempli d'amis qui jouent dans le parc. Donc, on va aller écouter une toune. Je pense qu'on est pas mal rendu à faire ça. Hein. Ça va être quoi? Ça va être... on a eu Didier Super, on a eu Steve Hackett. Je pense que ça va être Amy Kwan. C'est un petit peu spécial, ça. Ou peut-être le révérend Orton Heat. Ah non, on va en mettre une pas trop longue pour revenir poser des questions avec notre ami. Ça va être George Winston qui reprend Vince Garaldi. Elle s'appelle 855. C'est une toune de Charlie Brown. C'est pour ça que c'est bon. Tu lui as donné ton vélo? C'était la moindre des choses. Moindre? Je peux pas croire que tu aies fait ça. Je pense que c'est important qu'on soit au courant que c'était un petit avocat. Alors, il y a Bruno ici qui vient de me dire qu'il voulait se faire tatouer sa face dans sa face, fait que c'était pas pire. Ouais, ouais, c'est un concept qu'on a parlé en fin de semaine pour la fête d'Israël. Est-ce qu'on chante bonne fête à Israël, tout le monde? Oui. Bonne fête, Israël. Bonne fête, Israël. Bonne Bonne fête, bonne fête, bonne fête Israël. Ouais. Ouais. OK, on chante bonne fête au Canada, c'est ça? Bonne fête Canada. C'est-tu la fête du Canada? C'est demain. Ah, mais le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Ouais, c'est, le Canada. Ouais, c'est comme la Saint-Jean, mais du Canada. Okay, fait que nous autres, on déménage. Ah ouais, le Canada, lève ton verre, lève, mais le renverse pas, porte la l'autobus, bateau, plein de puces, petit fœtus, igloo. Igloo. OK. Toujours est-il que j'ai reçu une belle guitare de tous mes amis qui ont coté. Je les remercie beaucoup. C'était très touchant. J'ai une Gibson à cette heure. Puis j'aurais plus besoin jamais de m'acheter de guitare. Puis je ferai pas la passe de la guitare avec. Non, je vais changer de guitare. Ah, tiens. Tu vois. Moi, y faire attention, genre. Fait que j'ai été sur le MySpace de Trompe 12 pour revenir. Où est-ce que je veux adéquater que je voulais en parler. Le 32, c'est un des deux gars avec Trunk 13, des gars de Trunk 25. Je vais citer un extrait au hasard de Trunk 25, genre moitié dans une assiette puis je vais te casser dans la vic. Fait qu'on connaît tous Trunk 25 pour les très beaux textes qu'il dégage. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça le quotidien. Dans le blog de Trompe, Trompe 12, on peut voir des excellents top 10, comme genre... Les 10 choses que ta blonde faut qu'elle fasse, les 10 choses qui font de toi un loser. Mais je vous ai choisi aujourd'hui de vous lire les 10 façons de reconnaître un vrai shit lover. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de savoir c'est qui pis qui est pas un vrai shit lover. Quelqu'un qui aime la marde au point de s'en crisser dans la gueule. Et on c'est de retour avec le caca. On va écouter parce que la démocratie doit avoir une voix. Vas-y, impressionne-nous du génie humain, Israël. Ben en fait, c'est pas moi qui écris ça, là. Non, non, tu n'es que le messager. Je ne suis que le messager. Alors, les 10 façons, c'est un top 10, genre. Donc, 1. Un shit lover ne parle jamais de ses sentiments à l'exception de ceux qui l'entretiennent pour la marde. C'est ordinaire, ça. 2. Un shit lover parle toujours de ses testicules à la première personne. Aïe, aïe, aïe. Ça pas de... Toi. OK, un shit lover aime mieux manger de la marde plutôt que de manger les vidanges que sa calisse de plot qu'il prépare. Ben voyons donc, man, c'est quoi qui se passe dans sa tête? Vas-y, on est à 3, okay. C'est interminable. 7. Un shit lover a toujours un attrait sexuel prononcé pour le fromage. Bon, c'est ordinaire. 6. Un shit lover préfère fourrer des animaux plutôt que de fourrer une grosse. On fait ça en 2 blocs de 5 parce que hey, c'est vraiment pénible. Okay, bon, on va faire les 5 dernières tantôt. Oui. Hey, voyons donc. Hey, mais tu me promets qu'on va les faire. Oui, promis, juré. Hey, je veux tellement le savoir, c'est quoi le top 5 de Trompe 12, des raisons qu'il faut qu'on. En tout cas, c'est quoi tu penses ou de la liberté d'expression, Luc Saint-Pierre? Avec qu'est-ce que tu viens d'entendre, hein? Ben écoute, c'est pas moi là. C'est pas le genre de chose qui est diffusé partout non plus là. Faut que tu saches où aller les chercher. Ça, fait que si t'es averti, je vois pas pourquoi ils s'empêcheraient de dire là. Mais ben, c'est ça, hein. Il a le droit de le dire. Ben voilà. Je voulais savoir, ça m'intéressait tout à l'heure parce que justement j'ai cherché ton gentil nom sur l'internet. Je l'ai pas trouvé. J'ai même essayé de virer Luc en cul, puis ça a pas marché non plus. Fait que j'ai essayé de trouver ton stock dans le fond sur internet, puis je l'ai pas trouvé. Y a-t-il une manière de le trouver puis d'aller checker qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, moi j'ai absolument rien sur internet. T'as-tu aucun moteur de diffusion? Tu passes pas. J'ai pas de site web, tout ça. Là en ce moment, c'est la demande pour les festivals, là, enfin envoyer les demandes, faire accepter les films, tout ça. Donc pour l'instant, il y a encore rien qui est déterminé pour des projections ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui vont venir. C'est en branle. Ouais, c'est ça. Tu veux pas briser les scoops, mettons, en mettant ça sur YouTube, puis là... Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai juste jamais pris la peine de mettre ce que j'avais sur Internet. Le créateur occupé ici. Mais personnellement aussi, c'est parce que je préfère avoir une vraie projection là, dans un cinéma, sur un grand écran. Puis je trouve que les films, ils se rendent mieux comme ça. Donc, tu sais, je préfère qu'avoir un petit écran d'ordinateur chez toi, dans ton salon. C'est moins efficace, Ouais, c'est pas fou, ça. Puis, sinon, est-ce que t'aurais aimé ça t'appeler Bill Baxter? Pas particulièrement, non. Il me semble Bill Baxter, moi, c'est hâte. J'aurais aimé ça m'appeler Bill Baxter. Saint-Hubert ou Scores? Saint-Hubert ou quoi, je sais pas. Ou tu sais pas, hein? Non. Pis t'as-tu déjà mis de l'antiflogestine dans ton dos toi-même? Non. Ok. Bon, c'était des choses qu'on voulait savoir. Ouais, c'est bien important, ça. Ça, c'est ça. Hey, je pense qu'on va retourner ce saucé dans le film encore un petit peu. Bon, écoutez, un petit peu d'extrait de film, puis on va faire une nouvelle on après. Va refaire, ouais, on va faire une nouvelle, puis après ça, on va faire le dernier top 5. Ah, on va attendre un peu plus tard. C'est raison qui fait qu'on aime la mort. Oh, non, un shit lover. Un shit lover. Un vrai shit lover. Donc, on est à 70%. Donc, tenez-vous serré dans la prochaine séquence audio. On va comprendre que le kid et son coach sont très, très près l'un de l'autre. Que le coach du kid et le coach de l'équipe de baseball des méchants vont finir ensemble par un détour du scénario. Et puis finalement, dans la même séquence d'une minute, on va apprendre que quelque chose d'important se développe en trame de fond à long terme. Sans parler du fait que la moto est mystérieusement revenue stalker le héros pendant sa game de baseball d'après-midi. Ah, cette moto! Sans cesse, elle se découvrira de nouveaux pouvoirs pour revenir épater la galerie. La relation, à mon sens, à moi, malsaine qui se développe entre le héros et l'incarnation de tout ce qu'il a jamais cru important de désirer, vivra deux montages fabuleux. Dans le premier montage, le savant jeu de métaphore me permet de vous affirmer que, dans The Dirt Bike Kid, un film de 1985, un enfant fait bander une moto. Le deuxième montage nous montre les héros qui travaillent ensemble pour gagner leur pitance. Avec une petite musique dynamique. Ça vaut la peine. Donc là, on n'oublie pas qu'il y a une relation spéciale qui se développe entre nos deux antagonistes. On va avoir une petite phrase ici qui nous met en saveur. Ça va aller, ma belle. Je vais pas te faire souffrir. Et voilà, ça va aller, ma belle. Ferme les yeux, ça va bien aller. Je ne te ferai pas souffrir. On va aller plus loin à la 19e minute 50. C'est peut-être un shit lover. Peut-être. Je sais pas s'il parle de... Non, mais lui, c'est vraiment un motocross lover. Ça, c'est sûr. Oh! Maman! Non! Non! Arrête un instant, maman! Maman, arrête! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais qu'est-ce vendre cette moto. Avec un peu de chance, je vais récupérer mes $50. Maman, elle tu peux pas faire ça. Cette moto est particulière. Écoute, Jack, je suis en retard. Je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, maman, je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle tu peux pas la vendre, c'est qu'elle possède d'étranges pouvoirs. Tu veux bien me lâcher? Mais maman, c'est la vérité. La nuit dernière, elle m'a fait faire un voyage incroyable. Elle a grimpé sur une gouttière et ensuite nous avons volé comme un avion. Et je te dis pas ce qu'on a fait avec des motards. Tu t'es drogué? Maman, je te verrai à mon retour. Mais maman, c'est la vérité. Au revoir, Jack. Maman, écoute, maman, je me moque pas de toi. N'y va pas, s'il te plaît. Moi, je me sens déchiré. Je ne crois pas aux contes de fées. Ouais. Je crois dans les magazines comme Playboy. Ouais, eh ben, c'est la dernière fois que je te raconte quelque chose. Écoute, je sais à quel point tu aimais ta moto, mais tu vas bientôt en avoir une autre. Pas comme celle-ci, beau. Hey, Jack, ta bécane, elle est super. Merci pour les 50, un pigeon. Tu vas comprendre ta douleur sur le terrain. Là, il fait un finger. C'est ton âge ou ton QI? Je la trouvais pas pire, celle-là. Quelqu'un qui fait un finger, puis l'autre qui répond c'est ton âge ou ton QI. C'est comme si le sidekick du héros avait une personnalité autre que désirer toucher à des filles, puis pas savoir quoi faire avec. Puis être noir. Il est bronzé. J'irais pas plus loin. Peut-être un doux. Donc, on est au match de baseball. On va rencontrer ici. C'est ça, c'est la séquence. Oui. C'est la séquence de 1 minute, mais en fait, environ 1 minute 30, bon, durant laquelle il y a 3 nœuds différents qui se développent, que je vous ai parlé tantôt. Je sais, ils roulent des mécaniques. Ils sont même plutôt bons. Mais vous allez les battre, d'accord? Je veux que vous sachiez que je crois en chacun de vous, les gars, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rattraper toutes leurs balles, d'accord? C'est quoi notre mot-clé? Énergie, d'accord, nous le jurons. Allez les battre. On les bat. Voilà, c'est dynamique. Salut, bon. Jack, il était temps que vous arriviez. Tu dois surtout te rappeler que personne n'attrape tes balles, d'accord? Comment va le moral aujourd'hui? Il va bien, je crois. Ah, tu crois? Et il y a quelque chose qui t'ennuie, Jack? Ben oui. Ouais, je crois bien. Ah. Est-ce que tu veux me dire de quoi il s'agit? Bien sûr. Ouais? Ouais. On s'éloigne. Tu dois te rappeler, tu dois toujours te rappeler que quand combattre devient... Non, attends. Quand le combat devient dur, Le... Il faut combattre. C'est ça, oui. Bravo. Ok. Tu as compris. Écoute, quand tu auras besoin de parler à quelqu'un, tu peux venir me voir, d'accord? D'accord. Ok. Merci, Mike. Et de voilà, rien. On est à d'accord? Deux nœuds déjà de découvrir. Non, non, un. Là, il va y avoir la madame Mike? Qui va arriver. Est-ce que je peux vous parler une seconde? Je sais pas, mademoiselle Clavel, je voudrais... Vous savez, le match va bientôt commencer. J'ai appris quelque chose à la banque hier qui concerne votre affaire, Mike. T'attends. Je pense que qu'on verra plus tard. Ok, les gars, allez-y, on va les matraquer. C'est important. C'est très, très important. Ça concerne l'avenir de la Dog House. C'est assez important pour qu'ils mettent des violons. Qu'ils mettent des violons, man. Des violons. Moi, j'aime beaucoup la trame sonore, hein, c'est, ouais, c'est vraiment... C'est énergique. Il y avait une bonne tune années 80, là, ça ressemblait à du Cyndi Lauper. Gonna have a montage. Bruno. Ouais, d'accord. Alors, on s'en va aux États-Unis. Une mère monoparentale qui a la difficulté à joindre les deux bouts a trouvé une solution particulière à son problème. Devin Trabossia de Palm Beach Garden vend sa maison sur Craigslist et sur eBay et s'inclut elle-même dans le deal. Son annonce va comme suit. Si vous voulez vivre le rêve infini, le grand amour, la vie et la romance que vous avez toujours cru être un conte de fées, voici la femme de vos rêves. Elle parle aussi des 4 chambres à coucher, de la maison, des 2000 pieds carrés qui seront inclus avant son amour. Alors, elle aurait déjà été contactée par un Italien qui prévoit un voyage en Floride pour aller la rencontrer. L'enchère se termine le 2 juillet à 99 cents plus 500 000 piastres de shipping. Aïe, c'est vraiment fabuleux. Fait qu'on peut encore bider, c'est ça. Vous pouvez encore bider si vous voulez. Ouais. C'est quoi son nom? C'est sur eBay. C'est, ouais. T'as pas le droit de vendre ça. Ah ouais, écoute. Il y en a qui check pour des fouets pis tout. Tu peux pas aller vendre ton fouet sur eBay. Ouais, mais je pense que toute l'affaire au complet, t'as le droit. C'est toi qui le vends. Ben non, c'est... pas de rein, ben non. Non, non, mais je veux dire, si tu vends tout ton corps. Ah, au complet, ok, vu que c'est le package. Vu que c'est le package. C'est pas de la prostitution, ça? Non. Avant son amour. Avant son amour. C'est comme, tu sais, les services d'escorte, là. Tu peux juste aller manger avec, là. Ouais. Ben ouais. Hey, c'est vraiment weird. Elle fait juste escorter. Ben ouais, dans elle fait tout juste ce que tu fais. Aïe, voyons, non. Toi, Luc Saint-Pierre, tu vendrais comment ton rein? Mon rein? Ben ouais. Un des ben, deux. Un des deux, ben, je sais pas. C'est vrai qu'avec eBay, maintenant, c'est rendu pas mal plus facile là, d'avoir accès comme. Tout le monde peut en avoir besoin. Mais en fait, je pense que je le vendrais pas pantoute. Là, mais... Ah ouais? Moi, je pense que prix, si c'est bon, pour ça. Sauver quelqu'un que j'aime, je le donnerais. Oh, ben regarde-les là-bas. Là. Puis un drapeau américain qui pousse en arrière avec du vent. <même. rire> C'est fabuleux. Ah ben oui, Israël Trudel-Denis, un homme de sacrifice. Ben sinon... Ben, t'as juste besoin d'un pour faire ce dé, à ce qu'il paraît. Ouais, c'est vrai. On a deux au cas où, comme les Klingons. Eux autres, ils ont le double de tous les organes au cas où. Okay. Est-ce que t'es un tracker, toi, Luc Saint-Pierre, ou t'es plus un fan de Star Wars? Moi, c'est vraiment Star Wars. Ah ouais? Dans Star Trek, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans. T'es-tu Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Aucun des deux, par exemple. Je suis plus rayon laser que baguette magique. Tu vas-tu au Laser Quest des fois? Non, jamais. Ben là, tu l'es ou tu l'es pas, là? Ouais, ok, ben je dois pas le light d'abord. Ok. 8 mm, ça doit être difficile de trouver des caméras encore avec ça. Non, ben justement, on parlait de eBay tantôt. Ouais. Ben ça, c'est une des places où tu peux en trouver comme super facilement pour vraiment pas cher. Le film se fait encore. Kodak, ils vendent encore le Super 8. C'est pas aussi compliqué qu'on le pense, en fond. Puis toi, tantôt, t'as parlé de Norman McLaren, mais est-ce que tu dessines, toi aussi, sur ta pellicule, des fois? Non, moi, je vais pas dans le dessin, tout ça, parce que je dessine pas très bien en partant, mais c'est dans ce que je fais, il y a beaucoup de formes graphiques, tout ça, mais je travaille beaucoup avec la photo, le négatif comme tel. OK. Ben, c'est parfait, ça. Ben oui. Ben, hein? Certain. Hein? On va aller écouter une toune, là. C'est le révérend Orton Heat. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On le sait. Pourquoi? De que c'est? De comment? Le top 5 de c'est quoi un vrai wannabe shit lover? À 70% sur Choc FM. Des hits continue. Bonjour, bande de chanceux qui, contrairement à moi, nul de l'Internet, avait la chance de syntoniser Israël et Tommy sur Choc FM, la radio web de l'UQAM. Hey, c'est nous autres. Ouais. Puis lui, c'était Réal V. Benoît. Le mineur chanteur. Le chanteur mineur qui n'aimait pas être considéré comme tel, mais qui fait bien ça. Ben oui. Ouais. Fait que vous les attendiez, vous les vouliez. Voici le top 5 de comment savoir reconnaître un vrai souligné shit lover. Number 5. Eh oui. Selon Trompe 12, un des deux quotients qui est à la barre de Trunk 25, ouais. Ce pavillon. Ok, alors numéro 5, un shit lover sans calice. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Ouais. Numéro 4, un shit lover utilise son poignet pour tester la chaleur de sa graine avant de faire boire sa conquête. Ok. Ouais. 3, un shit lover utilise des enfants comme human shield dans un gunfight. Ok. Ouais. Ok. Tu vois, jusqu'à là, c'est très informatif. Continue. Numéro 2. Ouais. Ok. Un shit lover se décrotte le nez avant de passer le doigt à une charogne. Hey, j'ai hâte que ça finisse, man. Ça vole. C'est pas moi, je suis juste le messager. Ça vient vraiment du cerveau d'un gars de 6 ans, ça, ça. Ouais, non, mais j'ai. Ah. Vas-y, vas-y. Non, je sais que c'est pas toi, mais arrête. On a le droit d'être choqué et outré. Mais on a le droit de savoir, c'était porté à 1, pis c'est même pas le plus drôle. C'est un shit lover trouve que Steve, c'est drôle, connaît la moyenne de Jay Burner par cœur, pis se croche toujours sur la bouche de la personne la plus proche. Ouais, mais il y en avait comme 3 dans la dernière. Mais merci, Trompe 12. Ça marche. Ouais, c'était sine qua non. Si la proposition A fait partie de la proposition B, puis que le A est ta gueule, c'est à toi, man. Fais-moi une nouvelle. Ah, bon, ok. Hey, ça va être tough à côté, ça. Alors, le iPhone est-il sexiste? C'est ce que certaines femmes affirment, parce que le système multi-touchscreen fonctionne en détectant la conductivité électrique des doigts. Ce qui fait que les ongles ne fonctionnent pas. Les femmes aux grands ongles se plaignent des difficultés qu'elles ont à composer sur le iPhone et demandent qu'ils viennent avec un stylus qui rendrait la composition plus facile. Erika Watson de Newport Beach qui mène ce cri à l'injustice. Ce cri à l'injustice, à l'injustice. À l'injustice affirme que, en considérant les études ergonomiques qui indiquent que les hommes et les femmes utilisent leurs doigts et leurs ongles de façon différente, pourquoi Apple persiste dans cette avenue misogyne? Hein? Pourquoi? Hey, je sais pas quoi dire, man. Pourquoi? Parce que c'est des sexistes misogynes. C'est pas correct. C'est vraiment... Moi, outré, je suis. Ouais, outré. Ouais. Est-ce que tu nous as pondu un petit indicatif pour essayer de changer l'ambiance après Trompe 12 et les madames qui se plaignent que les boutons, ils sont pas faits pour les grands ongles? Ouais, je peux me lancer. Salut, c'est Luc Saint-Pierre. Vous écoutez 70%, le rendez-vous des shit lovers. Je pense qu'il a écouté, c'est excellent. Le rendez-vous. Peut-être que Trompe 12, il va vous faire le prestige de rajouter une 11e loi à ses affaires. Si un jour il veut bien répondre à nos invitations pour venir faire un tour ici. Il veut pas venir, on essaye encore, les amis. Ben oui, ben ça serait hâte d'essayer de comprendre, mais en même temps. Je sais pas. Moi, je suis sûr que je me roulerai à terre à la fin. Ouais, c'est ça. En tout cas, bon. Moi, je pense qu'on va être obligé d'écouter un petit bout d'extrait du Dirt Bike Kid encore. Notre héros, bien sûr, qui a un coach de baseball. Et le coach de baseball a une doghouse qui doit s'appeler Doghouse, mais traduit en doghouse. Et puis, ben là, c'est ça qui est menacé par la méchante banque et le méchant Hodgkins. Peut-être qu'on va le rencontrer, là, d'ailleurs, notre boss des méchants. On retourne à Dirt Bike Kid, donc. On va-tu entendre la moto parler? Je vous explique ce que la banque a l'intention de faire. Je pense que oui. Ah, voilà, attrape celui-ci, Hodgkins. Vas-y, vas-y. Ah, ça va te porter chance. Ah, ça va. D'accord, sortez tous d'ici immédiatement. Je ne veux plus voir personne ici. Personne, ça c'est le coach qui est en train de péter les plombs. Mike, il faut pas. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Je ne vous ai jamais vu si énervé. Demande à Monsieur Hodgkins, plutôt à son assistante. L'étude analytique faite par l'ordinateur de la banque a choisi ce terrain pour l'édification du nouveau siège. Monsieur Hodgkins a donné à Mike une semaine pour quitter les lieux. Après, ils démoliront la Doghouse. La Doghouse. Sûr, Mike... sûr que Mike sera quoi? Allez-y, mademoiselle Clavel, quoi? Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous et votre ordinateur ne comprenez pas que je suis sur le point de perdre tout le fruit de mon travail? Je ne crois pas que ce genre de choses entre dans votre étude analytique. Hein? C'est déchiré. Oui, oh oui, c'est ça. Moi, je me sens vraiment jeté à terre. Dans la tradition du plus pur doutisme, j'en étais à la 36e minute, là on est à la 29e, quand j'ai trouvé assez d'extraits audio pour les besoins d'une heure de radio. Plusieurs questions demeurent encore. Pourquoi Hodgkins, le méchant, exprime sa méchanceté au travail d'une ligue mineure de baseball? J'ai jamais compris. D'où la moto jouit-elle? Parce que il la fait vraiment bander. Pourquoi des moteurs de 30 ans passés s'en prennent à un enfant de 10 ans? Comment la moto a fait pour se retrouver dans la banque parce qu'elle retrouve le directeur? Est-ce que ça se peut vraiment des directeurs de banque qui jouent aux autos dans leur bureau avec leurs maquettes de méchants? Comment Pat Moll peut être un parent envers son enfant? Est-ce que ça se peut un personnage comme celui de Monsieur Hodgkins? C'est qui, elle, la coach de l'équipe adverse féminine qui est rendue poignée sur le coach du... Donc, j'oserais en finale vous conseiller la saison de blé au brouhaha pour passer au travail du capotinage de Monsieur Hodgkins, qui est vraiment le héros obscur de ce chef-d'œuvre de 1h20 à peine. Monsieur Hodgkins, qu'on entend ici jouer aux autos dans son bureau. J'oserais également vous faire remarquer la variété cinématographique proposée à 70% et au brouhaha. On a ce soir un film pour enfants, puis la semaine passée, on avait un post-apocalyptique italien avec c'est du quoi, jambon partout. L'entrée ce soir, t'as dit? On va écouter un petit peu des recycleurs, ceux qui sont venus d'ailleurs, c'est gentil que t'en parles. Je voulais remercier encore une fois DJ Georges, Étienne Forêt de Radio Cochonnerie. Essayez ça dans Google, vous allez trouver toutes sortes de belles affaires. Ainsi que Vincent Potel et Louis Cédillo de lesrecycleurs.com. C'est eux qu'on va écouter, là, ils nous avaient laissé un disque plein d'inédits. On va écouter ça ce soir au brouhaha en première. Wow! Yeah. Fait, c'est super cool. Ça a bien été, hein? Ouais. J'ai senti animateur énergie, cette séquence-là. Fait que, est-ce qu'on chante des chansons en attendant que ça finisse? Moi, il me reste encore quelque chose à dire. Ah! Ben oui, oui c'est oui. Ça. Hein, du trop. Contenu! Du contenu! Amène le contenu, on est capable. OK, ben c'est tout petit, là, en fait. C'est le site internet One News Show qui est un site parmi tant d'autres, en fait, qui regroupe les nouvelles qu'ils trouvent pertinentes puis qu'ils mettent sur leur site internet. Mais ce qui est intéressant de ce site-là, c'est que c'est un site qui a un contenu assez homophobe, en général. Puis récemment, il y a eu un ajout qui a été fait dans la programmation du site. Chaque fois que l'expression « gay » apparaissait dans un article, elle était remplacée par « homosexual ». Et là, c'est très le fun ces temps-ci de voir aller les exploits du sprinteur américain pressenti pour la médaille aux Olympiques. J'ai nommé Tyson Homosexual. Parce que c'est Tyson Gay qui s'appelle, le gars. OK, fait que là, hey, c'est pas pire, ça. Ils ont juste fait conversion, ah, ouais. Eux autres, puis c'est tout, et c'est bien correct. Le sprinter, il s'en pose des affaires. Bruno, fabuleux. Non? Ouais. Mais j'aimerais ça poser une dernière question pertinente et percutante à notre invité, Luc Saint-Pierre. Dans 3 ans, là, idéalement, là, c'est comment ta voix, ta carrière de gars technicien dans l'industrie qui fait des courts-métrages sur son bord? Écoute, j'ai pas trop regardé là-dessus encore, mais je pense que si je suis capable de vivre de mon art, c'est déjà bon en partant. Là. Donc voilà, un homme aux revendications simples qui veut continuer à faire ce qu'il aime dans un monde où la paix règne. Somme toute, hein? Même si tu vis pas de ton art, est-ce que tu vas continuer à poursuivre ton rêve et juste le faire en sideline de toute manière? Ben ouais, parce que c'est déjà pas mal ça que je fais en ce moment, donc... Ben c'est ça, tu sais. Moi, je joue de la musique dans un bed, puis je pense pas en vivre. Quelle band, déjà? L'excellent groupe Bonne Journée. Et voilà. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Hein? On a peut-être d'autres affaires à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, donc? Je sais pas, je pourrais relire les mails. Ah ouais, ça nous tente super gros. Je pourrais en mélanger deux. J'ai hâte d'écouter l'affaire Summerstein. Ben non, mais on va écouter une toune d'abord, hein, parce que moi, j'en avais amené une excellente. Ah, je voulais juste vous annoncer en passant qu'il y a eu une étude cette année, comme à chaque année, qui vérifie à quel point il y a eu de l'inflation. OK. Puis l'inflation de la nourriture a augmenté pour tout, sauf le bacon. Le bacon, ça a descendu. Pour tout, sauf le bacon. Ouais. C'est dans toutes les céréales, justement, toutes les légumes. Dans ma poche ici, mes bacon mint. Oui, mais c'est ça, il faut que je goûte à ça. Ah, c'est pas pire. Moi, avant-hier, pour ma fête, j'ai été au restaurant, je le dis vite. Puis j'ai calé 2 œufs de bacon pour déjeuner. Puis là, dessus mon bacon, il y avait une partie de la peau du cochon, puis il y avait plein de poils qui sortaient de mon bacon. C'était vraiment dégueulasse. Je serais plus capable de manger de bacon de l'année. C'était pas comme un cheveu sur la soupe, là. C'était un bout de scalp ils de ont cochon. Comme peut-être, justement, baisser la qualité. C'est pour ça qu'ils ont baissé. C'était dégueulasse. Laisse-moi te dire, j'ai le flash à toutes les heures dans ma tête, puis ça m'écœure. Et voilà des préoccupations réelles d'un homme simple. On va écouter ici. Elle m'a fait 2 piastres de rabais sur mon assiette. On va écouter ici Amiquan et Koi Koi Ayao. Mais ça va être juste après. Une dernière tranche de l'excellent Dirt Bike Kid, alias la moto magique qu'on s'en va écouter au brouhaha. N'hésitez pas à amener des projectiles. Merci à Luc Saint-Pierre. Merci beaucoup. Merci avec nous autres, continue à produire. Ah ouais, on va aller voir ça. Il y a Bruno Corbin là-bas, solide. Ouais, moi, je vais sûrement venir, mais il faut que j'aille du monde à déménager. Tu sais ce qu'on est aujourd'hui. Eh oui, on a passé le très saint dimanche des boîtes. Donc, ensuite, le congé vient, le déménagement. C'était 70%. Et le mercredi des vides. Le mercredi des vides. Voilà. Bon, ben, à la prochaine, lundi prochain, allez au douteux.org pour voter. Là. Pas une joke. Salut. Salut. Salut. Il a tué mon petit Hodgkins. Je suis désolé, mais je suis obligé de le faire. Je dois te ramener. Je dois obéir à maman. Je me laisserai toujours avoir. Les enfants, aujourd'hui, on peut pas compter sur eux. Je suis à vous tout de suite, madame. Monsieur Zach. Aïe, aïe, c'est chaud. J'ai mal au cerveau. Aïe, aïe, j'ai mal à mon lobe frontal. Ça va. $50? Vendu. Ouais, mais il y a un problème. Ah oui? J'ai pas d'argent. Ah bon, ben reviens quand on aura. Attendez, peut-être que je pourrais les gagner, les $50. Je pourrais répondre au téléphone, ou faire le ménage, ou même aller livrer pour vous. S'il vous plaît, monsieur Zog, je voudrais vous aider vraiment. Top là. Rendez-vous de l'autre côté. Maman, je n'ai pas repris cette moto. Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur Zach a dit que je pouvais la gagner en allant livrer pour lui. Et je peux appeler ce monsieur, il va me le confirmer. Bien sûr. Jack, je ne sais pas si je tiens à ce que tu la récupères. Tu fais des trucs bizarres depuis que tu l'as. Maman, je te promets que tu n'auras plus de problème. Pourquoi as-tu débarqué dans le bureau d'Hodgkins? Parce qu'il est en train de virer Mike et que c'est très malhonnête. Mais c'est pas une raison pour faire irruption comme un cinglé. Tu dois obtenir un rendez-vous. Tu leur parles. Tu dois passer par le système. Maman, à partir de maintenant, je le ferai. Et je jure que je te causerai plus de problèmes. Maman, je suis vraiment désolée de t'avoir fait perdre ce job. Vraiment? Je le suis. C'est pas grave. Je ne pense pas que j'aurais pu m'entendre avec ce monsieur Hodgkins. Mon expérience professionnelle ne l'intéressait pas. Qu'est-ce qui l'intéressait alors? Laisse tomber. Oh, ça! Alors, je peux garder la moto? Plus de problème. Oh, t'es la meilleure des mères du monde! Et je serai le meilleur fils! Oui. Écoute-moi bien. Puisque nous devons parler à Hodgkiss, on doit venir ici. Bon. Et arrête de me contrarier. Essayons, comme je le dis. Pourquoi affrontes-tu les gens comme ça, bille en tête? Nous devons faire comme dit maman, passer par le système. C'est la meilleure manière d'agir. Écoute, tu restes ici et tu ne t'en mêles pas. Je reviens tout de suite. Tu restes ici. J'ai commencé en acceptant les dépôts des bonnes. Ensuite, mon vieil employeur a eu un accident dans l'escalier. Ma première chance, en vérité, est ma première hypothèque. Et le reste, c'est de la finance pure. Bon, qu'est-ce que j'y peux si les présidents de banque, même fabuleusement riches, cherchent l'affection, comme les gens ordinaires. Il y a quelqu'un à la porte. Quel dommage. Un moment. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Trash Ton Geek. Comment ça va, Lynn? Ça va très bien, il a fini par faire beau, même si je chantais l'orage, me suivre. Et ça va un peu plus mieux parce que nous avons une spéciale édition. Oui. Une émission spéciale ce soir, anti-fête du caca-nada. Oh, yaob ça. De toute façon, vous savez, nous au Québec, nous savons comment fêter cela. On déménage! On déménage! Alors, ça a déjà commencé à avoir l'air d'un dépotoir municipal, les rues de Montréal. Montréal is a battlefield! Je vous rappelle que vous pouvez appeler le